Poudrier. L'anarchie est la plus haute expression de l'ordre, non? Voilà. Et on arrive à, l'ordre dans la folie. Je peux faire juste une petite complément à l'introduction à Clotaire. Clotaire, tu me permets de rajouter deux informations. Oui. D'une part, le prochain débat a lieu le 4 juin sur l'Afrique. Il y en avait un qui était envisagé le 18 juin sur les Black Blocs, mais par un mail de ce matin, c'est annulé. Ils ne peuvent pas le faire le 18 juin, ils voudraient le faire avant, mais il n'y a pas de date qui correspond. On va voir, peut-être que l'année prochaine se démerdera. On verra bien. Deuxièmement, il y a Claire qui est là, qui va nous dire peut-être deux, trois petits mots sur son bouquin, qui vient de sortir, les éditions Egregor qui sont un nouvel éditeur marseillais, et qui a mis quelques bouquins pour ceux qui s'intéressent. C'est très intéressant, c'est les mémoires de Jacob Long, peu connu dans le grand mouvement, c'est un bagnard qui a créé le 1er mai 1907 sur les flics à Paris et qui s'est retrouvé au bagne pour ça pendant 20 ans en plus. Voilà, continuez sur la presque tout dit, le livre sort à peine de l'imprimerie, donc je vous l'apporte en primeur. Il sera distribué en librairie très normalement par notre diffuseur Erwan. Il y aura une signature lancement le 12 mai à la bouquinerie chez Capucelle, si vous êtes tous invités à 18h30. Vous pouvez l'acheter ici au prix éditeur, à savoir 8 euros. Et la maison d'édition ne fait aucun service de presse. Il y a eu 4 services de presse et il n'y en aura pas 5. Nous sommes pauvres, nous n'avons pas de riches. Donc ça coûte 8 euros. Et par ailleurs, il est à 11 euros en librairie, donc le prix éditeur c'est 8 euros. Vous pouvez aujourd'hui l'acheter directement au prix de 8 euros, ou bien en dépôt au CIRA ultérieurement, au prix de 11 euros, car le CIRA fonctionne comme une mère. Par ailleurs, vous savez peut-être qu'il y a la marche mondiale des femmes qui va démarrer de Marseille les 28-29 mai. Et quoi qu'on pense de la composition des militantes et du mouvement qui compose cette chose-là, sur laquelle je n'insisterai pas, Marseille est une ville si exécrable pour les femmes que je vous invite tous, hommes et femmes, car c'est très mauvais pour les femmes et les hommes, à acheter cette carte pour 1 euro pour soutenir l'organisation de cette affaire. Voilà, c'est tout, excusez-moi, merci Alessi. Bon, si je n'ai plus rien à ajouter, je ne sais pas ça. Alors la parole est à l'orateur. Donc le sujet un peu de l'intervention, c'est les révoltes sociales et politiques dans les pays occitans au 19e siècle, principalement sur la période qui va, on va dire, de 1848 à 1914, bien que ça débordera un peu des deux côtés. Disons qu'en France, en général, l'histoire est toujours vue et expliquée d'en haut, depuis le sommet de la pyramide hiérarchique qu'est Paris. Et là, mon choix, c'est de faire l'histoire d'en bas, à savoir à partir de ces pays occitans, qui n'ont jamais été unifiés politiquement, c'est une de leurs caractéristiques, qui n'ont donc jamais constitué un État-nation à proprement parler. Certains le regrettent, d'autres s'en réjouissent, c'est un fait historique. Ces pays, bon, géographiquement, ça couvre quand même le tiers du territoire français, hein. Ça déborde même sur l'Italie et sur l'Espagne, mais principalement sur le territoire français, puis ça concerne, pour parler en termes de provinces d'Ancien Régime, la Provence, une partie du Dauphiné, l'Auvergne, le Limousin, le Languedoc et la Gascogne. C'est des pays qui se caractérisent historiquement... qu'on rentre dans le 19e siècle par certaines traditions, notamment un très fort anticléricalisme par endroit, qui est l'héritage de la croisade dite des Albigeois, 13e siècle, quand les rois de France et l'Église de Rome ont mis toute la région à feu et à sang. Il se caractérise aussi par une vieille tradition d'indépendance communale. Beaucoup de villes comme Marseille, Avignon, Toulouse ont vécu longtemps en République, etc. Et ont gardé longtemps sous la monarchie absolue des statuts. Il y a une très forte tradition d'autonomisme municipal. Une forte tradition aussi de révolte antifiscale et de révolte contre la conscription militaire qui atteindra son apogée au XVIIe siècle, notamment la plus célèbre étant la fameuse révolte des croquants qui durera plusieurs décennies dans le Limousin, le Périgord et le Quercy. Également avec les frondes urbaines, notamment la fameuse fronde bordelaise qui aboutira à une véritable république sur le modèle un peu anglais, la fronde marseillaise aussi en 1660, etc. Donc c'est des pays qui se caractérisent quand même par des relations toujours, même s'ils ne sont pas unifiés et qu'ils n'aspirent pas spécialement à l'être, qui se caractérisent toujours par une relation fortement conflictuelle avec le sang. Disons, l'unité politique a été imposée depuis l'extérieur, depuis Paris par l'action des rois de France, et puis par la suite par l'action de la République jacobine, de Napoléon, etc. Donc au XIXe siècle, ces pays-là se caractérisent en gros par ces points communs. On y parle évidemment encore à 90% l'occitan sous ses différentes variétés. Il n'y a guère que dans les villes qu'on commence à parler français, mais dans les campagnes et dans les petites villes, on ne parle quasiment que l'occitan. Il n'y a que les gens de l'élite, ou les représentants de l'administration qui parlent quotidiennement le français. Et même les bourgeois et grands bourgeois qui, par exemple, à Marseille parlent déjà le français, sont obligés de parler l'occitan que leur domestique, sinon ils ne sont pas comprenants. Ça définit aussi une communauté, une proximité culturelle hein, qui aura son importance dans un certain nombre de soulèvements. Au début du XIXe siècle, l'introduction des rapports sociaux capitalistes dans les campagnes bouleverse complètement le système, tout l'équilibre traditionnel du monde paysan. Hein, disons qu'avant, on fonctionnait encore sur des régime assez communautaire, à partir de la Révolution française et de l'instauration du droit de propriété, ce monde éclate, il y a ceux qui ont des propriétés, ceux qui n'en ont pas. Et ceux qui n'en ont pas commencent à immigrer, donc on va dire qu'au-delà de 500 mètres, dans tout le moyen et le haut pays, ce qui fait quand même à peu près les deux tiers des territoires concernés, il commence à y avoir un vaste mouvement d'émigration, soit vers Marseille, soit vers Paris, c'est le cas par exemple pour les Auvergnats, soit vers des poches industrielles qui sont là, isolées dans le pays. On pense par exemple au bassin minier, Carmaux, de Cazeville. On a des villes comme Mazamé qui ont une grosse industrie lainière, etc. Et dans l'ensemble, c'est quand même des pays extrêmement ruraux, où il n'y a pas... où l'industrie est quelque chose d'assez primaire, quoi. C'est des industries qui fonctionnent beaucoup sur l'extraction de la matière première, qui est exporté et transformé ailleurs, avec des capitaux réinvestis ailleurs dans d'autres régions. Si l'on excepte les deux poches industrielles de Bordeaux et de Marseille qui sont liées au négoce maritime. Donc il y a encore une relation ville-campagne qui est très forte, même dans ces poches industrielles, hein, très très forte. Et bon, c'est quand même des régions qui ont participé au moment de 1789, que ce soit au niveau des jacqueries rurales ou au niveau des séditions urbaines, qui ont également eu un rapport très conflictuel avec la République jacobine, certains événements de 1793 l'attestent. Et disons dans les années 1830-1840, pas mal de ces régions commencent à devenir, on va dire, républicaine, rouge, parce qu'à l'époque, rouge et républicain, c'est la même chose, en réaction à l'irruption des rapports sociaux capitalistes dans les campagnes et dans les villes. On a par exemple en 1841, en Auvergne, une des dernières révoltes antifiscales qui est en France, qui concerne à peu près la moitié du département du Puy-de-Dôme. Les gens se dirigent sur Clermont pour protester contre un recensement qui va probablement annoncer une augmentation de charges fiscales. L'armée intervient, ils brûlent la maison du maire, etc. Il y a 17 morts quand même. En 1840, 45 à Mazamé, par exemple, il y a une des premières grandes grèves ouvrières en France, qui concerne tous les ouvriers de la laine. C'est une grève très très dure, qui a la solidarité de tous les gens des campagnes environnantes. L'armée intervient parce que les gens, les ouvriers, les gens des environs ont attaqué la prison pour libérer des grévistes emprisonnés. Il y a des incendies d'usines, enfin c'est un conflit extrêmement dur, extrêmement violent. C'est presque, on va dire, une jacquerie ouvrière, quoi. Et donc, on commence à entendre parler de la République, mais sur un mode très messianique. Hein. D'ailleurs, les paysans, les ouvriers provençaux ont un mot pour désigner la République sociale, ils disent la Sainte. La Sainte. Il y a aussi un autre mot, ils disent la Bonne. La Bonne, c'est-à-dire celle-là, pas comme celle de 1792, celle qui enfin va être la République sociale. Donc il y a cette espèce d'attente messianique qui est très forte, qui prend appui notamment sur tout un réseau de sociabilité traditionnelle, par exemple en Provence, ce qu'on appelle les chambrettes, qui sont des espèces de petits cercles semi-privés où les gens se réunissent pour boire des coups en fin de journée et discuter politique. Poser les questions sociales, etc., qui sont interdites d'ailleurs à plusieurs reprises, mais qui se reforment régulièrement, qui vont servir un peu de support à tout ce mouvement, on va dire, rouge. Donc, autre chose aussi, c'est l'influence considérable des théories proudhoniennes dans ces pays, notamment en Provence. Bon, Proudhon, c'est pas ici que je vais vous faire la leçon sur Proudhon. Revendique ouvertement le fédéralisme, la dissolution de l'État central, etc. C'est des théories qui sont très populaires, hein, notamment en Provence, dans le Languedoc. Et il est très lu à l'époque. Pour donner un exemple, des gens aussi différents que Frédéric Mistral ou Victor Gélu avaient lu Proudhon. C'est vraiment mon ras aussi. Pour le meilleur et pour le pire, tout le monde a lu Proudhon à l'époque. Et avec des conclusions parfois très, très divergentes. Donc en 1848, la monarchie de Juillet s'écroule, la République est proclamée à Paris sous la pression des ouvriers parisiens. À Marseille, pareil, il y a des grands banquets républicains sur la plaine. Victor Gélu raconte, pendant quelques mois, la plèbe est considérée un peu, la plèbe ouvrière est considérée un peu comme l'enfant chéri du nouveau régime. Puis au bout de quelques mois, le compromis ne tient pas, c'est les fameuses journées de juin 48 qui verront pour la première fois, disons, les ouvriers apparaître comme force indépendante, notamment à Marseille, puisque pas loin d'ici, là dans le quartier, on a peine à imaginer, c'est là où il y a le centre bourse à la place, il y avait un véritable quartier, un peu comme le panier, et là, pendant 3 jours, les ouvriers marseillais se barricadent et tiennent tête à la troupe. Donc à peu près au même moment que Paris. Il se forme dans les années suivantes, puisqu'on commence à parler d'un rétablissement, d'un retour à un système plus autoritaire. Il commence à se former des sociétés secrètes. Il y a une espèce de Ligue du Midi qui se crée vers 1850. Dans le Languedoc et en Provence, ils ont pour but de mettre en place un plan de contre-insurrection si il y a un coup d'État visant à rétablir la monarchie. Cette société secrète est démantelée, tous les animateurs finissent au bagne, où ils seront rejoints d'ailleurs un an après par les gens qui prennent les armes au moment du coup d'État de Napoléon III en décembre 51. Là, il y a pas mal d'endroits, notamment dans le département du Gers, du côté de Agen, en Auvergne et en Provence, où on prend les armes. En général, le soulèvement est écrasé très vite. En Provence, dans le département du Var et dans les Basses-Alpes, il durera quand même une dizaine de jours. Les insurgés rejoignent ceux des Alpes, il y a une fameuse bataille au Mai, au village des Mai. Enfin, ils ont vraiment, il y a des colonnes militaires, c'est ça quand même d'une certaine envergure. Hein. C'est dirigé dans les Basses-Alpes par un dénommé Ayo, tient un discours de type 48 heures, quoi. C'est-à-dire, pour lui, il ne s'agit pas simplement de défendre la République, celle de Cavaignac qui a tiré sur les ouvriers en juin 48. Il s'agit d'établir la sociale, la bonne, la sainte. Donc, malheureusement, tout ça se termine dans le sang. Et tous ces gens se retrouvent évidemment à Cayenne. Donc, bah oui, comme tu dis. Donc, une période un peu de silence et de répression pendant une quinzaine d'années. À la fin des années 1860, les choses commencent à bouger un petit peu. L'Association internationale des travailleurs qui commence à étendre ses activités et créer dans pas mal de villes du Midi. Puisque c'est comme ça qu'on appelle ces régions, hein. On n'arrive pas à leur donner un nom, c'est plus, on peut plus les identifier à partir des provinces d'Ancien Régime puisqu'elles n'existent plus. Le terme d'Occitanie est un néologisme qui viendra plus tard et de toute façon qui n'a jamais vraiment été accepté en France. Donc on dit le Midi, c'est ce qui n'est pas le Nord, on voit que ces gens sont un peu différents, ils ont des façons de parler, de vivre un peu différentes. On dit le Midi, voilà. Et donc le Midi bouge. En particulier à Marseille, qui est donc la ville la plus ouvrière du Midi, où sous l'impulsion d'un dénommé André Bastelica, à partir de 1868, il y a une section de l'AIT qui est créée. Et André Bastelica, c'est un typographe d'origine corse qui est dans l'AIT, qui est sur les positions de Bakounine, hein. C'est-à-dire donc des positions fédéralistes qui prône purement et simplement la liquidation de l'État central. Et cette AIT, dans les Bouches-du-Rhône, va quand même regrouper 4500 personnes, ce qui est énorme à l'échelle de la population de l'époque. On n'imagine pas un mouvement qui ait ces positions-là actuellement, qui regrouperait 4500 personnes sur les BDR. Hein. Donc arrive la... ils sont persécutés, hein, de toute façon, c'est pas un mouvement qui a pignon sur rue. Hein. Arrive la guerre de 1870, puisque le Second Empire ne peut se maintenir au pouvoir que par une politique de militarisation qui est condamnée à réussir, là elle échoue, donc le Second Empire se casse la figure. Et dès le 4 septembre, dans un certain nombre de villes du Midi, notamment à Marseille, les gens s'emparent de la préfecture, s'emparent de l'hôtel de ville. Roger qui est c'est un très très bon bouquin. Et je donnerai quelques références bibliographiques à la fin. Et ce qui est intéressant, c'est que Marseille déclare la commune dès à la suite de toute cette agitation. Bon, il y a une Ligue du Midi qui se crée. Dans la mesure où ce qui est intéressant dans ces événements-là, c'est que pour la première fois, Paris est isolé du reste de la France. Donc Paris n'exerce plus véritablement, ne gouverne plus. Il y a un gouvernement de défense nationale qui est en province avec Gambetta, mais les gens en profitent dans le Midi justement pour constituer une Ligue du Midi inspirée un peu de cette société secrète contre-insurrectionnelle de 1850. Il se crée une Ligue du Midi qui fédère à peu près 14 départements du Midi dans le but de prendre en main les questions de défense nationale et en même temps de poser les questions sociales. Les internationalistes marseillais jouent un rôle très important dans cette affaire. Ça revient ni plus ni moins qu'à déposséder l'État central d'une de ses prérogatives essentielles, à savoir le monopole de la force militaire. Gambetta réussira d'ailleurs à mettre le bâton dans les roues pour que ça ne se fasse pas. Mais il y a déjà quelque chose qui se met en place, hein, et qui aboutit à Marseille qui aboutit à Marseille le 1er novembre 70 à la Commune. C'est-à-dire que Marseille déclare la Commune bien avant Paris, c'est-à-dire la Commune, c'est-à-dire la préfecture est dissoute. Hein, la préfecture qui, je le rappelle, quand même l'institution du préfet, c'est un héritage des guerres napoléoniennes. Hein, le préfet Napoléon a inventé ça dans les territoires occupés d'Italie à la fin de 1799. et il a appliqué ça ensuite au département. Donc c'est une logique d'État, une logique militaire qui est appliquée à l'espace civil. Donc pour les républicains, pour les fédéralistes, les internationalistes, c'est vraiment l'incarnation de l'arbitraire de l'État central. Donc la première chose qu'ils font, c'est de supprimer la préfecture. Ce qui est de toute façon de l'esprit du mouvement communal. À Paris, c'est la même chose. Les communards parisiens en mars 71 feront la même chose. La suppression de la commune. Ils décident que toutes les forces militaires passent sous le commandement de la commune. Mais bon, ça dure une semaine. Ils destituent également, ils foutent dehors l'ancienne municipalité qui est composée de notables, de bourgeois. C'est-à-dire c'est un mouvement communaliste, mais c'est pas un mouvement qui veut s'en tenir au régime municipal. Hein. C'est un mouvement qui veut fonder vraiment la commune comme cellule de base de la vie politique. Quoi. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'il y a un discours qui est assez amusant à l'époque, qui est tenu en particulier en Provence. C'est tout un discours de l'internationalisme latin. C'est une idée qui avait été lancée par Frédéric Mistral sur un mode très poétique et qui a été reprise par pas mal d'internationalistes. André Bastelica, par exemple, dans une réunion au moment de la Ligue du Midi en octobre 70 à Marseille, fait applaudir par la foule un projet de fédération latine qui comprendrait l'Italie, le Midi de la France et l'Espagne. Ce en pleine période de mobilisation patriotique et de guerre contre la Prusse. C'est assez osé. C'est osé, mais les gens applaudissent, tout le monde est d'accord. Il y a aussi la présence des volontaires garibaldiens qui sont là, des groupes de Garibaldi qui ajoutent une petite touche d'internationalisme à tout ça. À aucun moment on entend de discours séparatistes, ça c'est aussi très important. Il n'y a pas la volonté de constituer un État-nation occitan ou provençal, indépendant. Le discours est fédéraliste et autonomiste. Il y a une condamnation de l'État central, mais il y a une volonté de toute façon de marcher avec les révolutionnaires de la capitale, des autres villes du Nord, etc. De façon générale, les Occitans n'ont pas eu de préoccupation de constituer un État-nation. Pour une raison très simple, l'État-nation c'est un concept qui est propre à la bourgeoisie, or il n'y a pas de bourgeoisie occitane. La bourgeoisie occitane est passée avec armée bagage du côté du centralisme français, pour preuve l'importance du personnel politique et administratif d'origine méridionale dans l'État français au 19e et encore au 20e, depuis Guizot, Thiers jusqu'à Pompidou. Puis il y a dans les deux villes qui ont une envergure industrielle forte, Marseille et Bordeaux, ils sont liés de toute façon à l'État français par la question coloniale. Donc pas de velléité. Ce qui fait que la critique du centralisme français est immédiatement internationaliste et fédéraliste. Quoi. Elle n'a rien de nationaliste, je veux dire. Donc cette première commune de Marseille échoue au bout d'une semaine. Après un certain nombre de péripéties sur lesquelles je passe, d'autant que Roger Vignon pourrait venir en parler fort bien, s'il ne l'a pas déjà fait. Il l'a déjà fait, donc ça va être dur. Les événements sont... vous connaissez toute l'histoire, hein, la bourgeoisie française, elle sait que les ouvriers sont armés, à Paris, à Marseille, au nom de la défense nationale. La bourgeoisie française est terrorisée par le spectre de 1848. Elle sait très bien qu'elle pourra survivre à une capitulation face à l'Allemagne, mais pas à une révolution sociale. Donc elle décide de terminer la guerre au plus vite, à la va-vite, pour pouvoir désarmer les ouvriers. La tentative de désarmer les ouvriers le 18 mars aboutit à la commune de Paris, etc. Donc Marseille, quelques temps après, se soulève à nouveau. Et là, pour le coup, Marseille n'est plus en avance, elle est un peu à la traîne de Paris, ne serait-ce que parce que ses éléments révolutionnaires les plus vigoureux, comme Bastelica, sont partis à Paris après l'échec de la première commune. Et ça manquera, parce que Gaston Crémieux n'a pas l'étoffe de c'est un socialiste idéaliste sentimental, il n'a pas l'étoffe d'un meneur militaire, comme il en faudrait dans cette situation. Donc la commune de Marseille est proclamée. La commune de Marseille est proclamée une semaine, je crois le 30 avril, elle est proclamée pas le temps après celle de Paris. Elle ne durera qu'une quinzaine de jours. Il y a d'autres mouvements communalistes dans le Midi. Il y en a à Toulouse, qui durera à peu près une semaine. L'autre mouvement qui est vraiment important dans le Midi, c'est la commune de Narbonne, qui durera 15 jours, et qui a beaucoup plus d'envergure, notamment sous l'impulsion d'un meneur qui s'appelle qui est proche des internationalistes. C'est intéressant aussi de noter, parce que c'est un truc qu'on retrouvera plus tard, qu'à Narbonne, la troupe qu'on envoie pour réprimer la commune commence par fraterniser avec la population et passer même de l'autre côté. C'est un truc qu'on retrouvera plus tard en 1907, toujours dans la même ville. Mais bon, tous ces mouvements sont isolés. La commune de Narbonne espère beaucoup que le mouvement communaliste va se répandre dans toutes les petites villes languedociennes. Malheureusement, l'Aïeul ne prend pas, et Narbonne se trouve isolée, Toulouse est vite battue, et au bout d'une semaine, le leader de la commune de Narbonne, Dijon, comprend que toute résistance est inutile, et donc il préfère se rendre à l'armée plutôt que d'affronter un bain de sang éventuel. C'est d'ailleurs assez amusant de voir que lui et tous les autres dirigeants de la commune de Narbonne ne seront pas jugés par un tribunal militaire comme ce sera le cas à Paris ou à Marseille. Ils seront jugés par la cour d'assises, en l'occurrence la cour d'assises de l'Aveyron, un département voisin, et ils seront acquittés par ces braves Aveyronnais. Et c'est le seul cas, partout ailleurs, les gens ont payé le prix fort, hein, notamment le pauvre Gaston Crémieux à Marseille. Donc, voilà, encore une fois de plus, on a un mouvement, on dirait pour employer une formule de Marx jeune, un mouvement politique à l'âme sociale. C'est la formule qu'il emploie, je crois, pour caractériser l'insurrection des ouvriers parisiens en juin 48. Il s'ensuit une période de passage à vide. Il y a quand même un épilogue de la commune à Marseille qui est intéressant, c'est le congrès ouvrier de 1879, qui est la première manifestation politique publique après la fin de l'état de siège, puisque Marseille, comme Narbonne et Toulouse vont rester, évidemment Paris vont rester sous état de siège pendant pas mal d'années, sous l'ordre d'une espèce de gouverneur militaire. Ce congrès ouvrier, qui est le premier et le dernier du genre, rassemble tous les courants, on va dire, qui portent l'héritage de la commune. On y trouve, il est lancé à l'initiative de socialistes fédéralistes marseillais, et on y trouve aussi bien des gens comme Benoît Malon, on y trouve aussi qui a un discours très fédéraliste, on y trouve des gens comme Jean Grave, par exemple, on y trouve tous les gens qui plus tard deviendront un peu les têtes pensantes du parti des différents partis socialistes en France. Et ce congrès, donc qui est le dernier du genre, adopte un certain nombre d'émotions sur la suppression de la propriété privée, l'expropriation du capital, et également la suppression de l'État central, le fédéralisme, etc. Bon, ça ne durera pas, puisque l'année d'après, les socialistes veulent se lancer dans les élections, les anarchistes non. Donc, cette alliance est très éphémère, n'aura pas duré. Mais c'est intéressant de voir quand même qu'on est encore sur la lancée, sur l'esprit de la commune. Hein. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'en même temps, en parallèle à ça, il y a quand même tout ce mouvement culturel qui revendique la dignité, la reconnaissance de la langue d'oc, qui existe, qui est porté par tout un tas de gens, dont Frédéric Mistral. Bon, Mistral, deux mois en passant sur son compte, c'est loin d'être l'affreux facho maurassien qu'on a dépeint. C'est un petit bourgeois, modéré, qui a été républicain en 48, et républicain très modéré. Au moment de la commune, il a blâmé la commune, comme l'ont fait d'ailleurs la quasi-totalité des écrivains français, soit dit en passant. Et il a même été relativement modéré par rapport à certains, hein, on pense à Baudelaire, Flaubert, par exemple. Mais disons, il y a un certain nombre de gens qui sont affiliés au Félibrige, qui n'ont pas quand même participé à la commune, et il y a un type de Montpellier qui s'appelle Xavier de Ricard, qui lui a participé carrément à la commune de Paris, qui fonde au milieu des années 70 un mouvement qui s'appelle le Félibrige Rouge, qui veut lier la question de la revendication linguistique à la question, aux questions sociales et aux questions politiques. À Marseille, il aura un certain écho, puisque les socialistes marseillais ouvriront leur colonne, notamment les gens qui ont organisé le congrès de 1879, Benoît Malon aussi aura beaucoup de contacts avec lui. Il générera aussi toute une génération d'écrivains, de poètes marseillais qu'on appelle les troubadours marseillais, qui sont des gens qui font de la poésie sociale, qui sont un peu les héritiers de Victor Bellu, qui feront soit des poésies, soit des chansons de contestation politique et sociale. Pour ceux qui connaissent, il y a un groupe marseillais qui s'appelle Dupin qui a enregistré il y a quelques années certaines de ses chansons. Donc tout ça, c'est un courant très fort qui est représenté à Marseille notamment par des gens comme Pierre Bertas, qui est un socialiste fédéraliste qui sera même élu à la veilleur de conseil municipal vu dans la municipalité Flessière, qui développe à l'intérieur même des socialistes marseillais tout un discours, on va dire, du type communard, quoi, du type Félibrige Rouge et du type communard en même temps, quoi. On va dire que tout le... Parallèlement à tout ça, on a un déchaînement des luttes ouvrières dans toutes ces régions, dans les quelques régions industrialisées. On a notamment les fameuses grèves de Carmo et de Decazeville, dans le bassin minier qui est à cheval sur le département du Tarn et celui de l'Aveyron. En 1886, il y a le fameux épisode de Vatrin, de Cazeville, qui est un des responsables des mines. Les mineurs sont tous des gens de la région d'origine rurale. Vatrin est un ingénieur du Nord qui les traite à la fois avec le mépris du patron pour ses ouvriers et à la fois avec le mépris de quelqu'un qui parle français, pour tous ces jeunes qui ne parlent que le patois, etc. Il y a un détail intéressant d'ailleurs au niveau linguistique, c'est que pendant longtemps dans les mines, c'était vrai là, à Carmo, de Cazeville, c'était vrai aussi à l'Est et même à Gardanne. Pendant longtemps pour les mineurs, l'occitan c'était la langue de la mine. D'ailleurs le mot pour le désigner, c'était pas le patois ou l'occitan, c'était la langue de la mine. Et qui se transmettait d'ailleurs aux immigrés. Bon, ça m'est arrivé à l'Est d'avoir une conversation avec des Marocains d'une soixantaine d'années, mais d'avoir une conversation qu'en occitan. Et quand les types leur demandent où c'est que vous avez appris à parler si bien, ils disent ben, nous, c'est la langue de la mine. Parce que généralement, comme les entreprises minières étaient des entreprises basées dans le nord de la France, ils envoyaient des contremaîtres du nord, pour qu'il n'y ait pas de relation de proximité, de familiarité avec les mineurs. Évidemment, ils ne comprenaient pas un mot de patois. Donc les gens, pour eux, c'était, il y avait à la fois un sentiment d'appartenance linguistique et sociale. C'était la langue de la mine. Et ça a fonctionné jusqu'à la fermeture des mines, hein, que ce soit à l'Est ou là, plus récemment à Gardanne. Donc pour revenir à l'épisode de Decazeville, il y a cet ingénieur en chef, la Vatrin, qui est particulièrement détesté et que la foule précipite par la fenêtre et qui meurt des suites de ses blessures. Quoi. C'est l'épisode qui inspirera d'ailleurs pas mal de chansons. générique qui est une matrinade. Voilà, le mot générique, expression charmante. Et toutes ces luttes des mineurs sont assez emblématiques. Il y a d'autres luttes. Il y a les ouvriers, par exemple, les bûcherons, les luttes des bûcherons dans le Limousin, où on verra d'ailleurs un certain Victor Grifuel, qui est de la région, déployer ses talents d'organisateur. C'est intéressant de voir que pas quelques-uns des fondateurs du syndicalisme révolutionnaire sont des gens originaires de ces régions-là. C'est le cas aussi d'Émile Pouget qui est avéronais, donc qui a été au contact. Émile Pouget a été très impressionné quand il était jeune, adolescent, par le procès de Dijon, le leader de la commune de Narbonne. Enfin, il raconte dans ses mémoires que c'est de là que part sa prise de conscience. Donc c'est un syndicalisme qui se veut très de base, très fédéraliste, très fédéral, pas du tout centralisé. Et donc la caractéristique de toutes ces révoltes, c'est on a presque affaire à des jacqueries, quoi. C'est-à-dire toute la population participe, les gens de la campagne, même le monde de paysans participe. Ça fait penser un peu à ce que personnellement j'ai connu en Angleterre dans les années 84-85 lors de la grande grève des mineurs de charbon. Et quand on regarde un peu toutes ces histoires, que ce soit les mineurs de charbon, Carmaux de Cazeville, les ouvriers de la laine à Mazamé, etc., les ouvriers du Liège dans les morts, etc., chaque fois c'est une région entière qui participe, qui se sent concernée. Et par ailleurs, il y a évidemment les luttes paysannes, et principalement le mouvement viticole. Alors il faut savoir que le Languedoc n'avait pas au départ de prédestination particulière à être une région viticole, mis à part le climat. Le Languedoc était au départ au 18e et jusqu'au début du 20e une région d'industrie textile, mais disons que dans la répartition des tâches que l'État français assigne aux régions, le Languedoc est censé être la cave à vin de la France entière. C'est-à-dire fournir du vin à bas prix pour la classe ouvrière, pour les gens qui vont... Le vin, c'est un aliment à l'époque. Le plus sain, d'ailleurs, selon le propos de Pasteur. Et... donc, en quelques années, le Languedoc se transforme en toutes les agricultures traditionnelles, le blé, l'olivier disparaissent, et les usines ferment avec des carnets de commandes pleins. On a peine à imaginer des choses pareilles à notre époque. Et donc se transforme en réservoir à vin pour la France entière. C'est une région de toute petite exploitation agricole, de gens qui sont pris à la gorge par les négociants. Au début du XXe siècle, ils commencent à s'amorcer, notamment sous l'initiative d'un dénommé Marcelin Albert, le mouvement de création des coopératives viticoles, pour échapper justement à l'emprise du négoce qui fait un peu, qui dicte ses conditions aux viticulteurs. Ça a du mal à décoller, c'est un mouvement qui apparaît vers Narbonne, vers Béziers, mais qui aussi en Provence. Hein. Et les choses se précipitent lors de la crise de 1907. Et alors, là, déjà dès 1905, il y a déjà des mouvements de grève de l'impôt, par exemple. C'est intéressant parce qu'on n'a plus... Avec l'avènement de la République, il n'y a plus de révolte antifiscale. Déjà, puisque contrairement à l'ancien régime, l'impôt n'est plus perçu par communauté et par tête. Mais en plus, c'est la République. Et tous ces gens-là sont républicains, quoi. Donc on ne touche pas à l'impôt, c'est la République. Pour que les gens arrivent à faire la grève de l'impôt, c'est quelque chose, quoi. Je veux dire par là que les gens franchissent un interdit, même par rapport à eux-mêmes. Et en 1907, la révolte éclate. La révolte éclate, elle prend la forme de de manifestation géante. Ça commence le 11 mars 1907 à Argeliers, un petit bled du Languedoc. Et en l'espace de 3 mois, on arrive à des manifestations géantes. Il y a la plus grosse étant celle de Montpellier en avril, qui regroupe 600 000 personnes. C'est-à-dire, je ne sais pas comment ils ont casé tous ces gens-là dans Montpellier, mais le chiffre est attesté de 600 000 personnes. Avec des affrontements très violents avec la troupe, fin avril, il y a à peu près 500 maires de la région languedocienne qui démissionnent collectivement. Et la troupe intervient à Narbonne. Alors, ce qui est très intéressant, c'est le rôle de Narbonne dans ce mouvement. Narbonne, où on a vu qu'il y a eu un mouvement communaliste qui a eu assez d'envergure pour durer 15 jours. Hein. En général, je parle du mouvement communaliste de ce qu'on appelle la province, ne dure que quelques jours. Hein. Et là, c'est le maire de Narbonne est un socialiste fédéraliste qui s'appelle Féroul. Qui considère que la question est posée, c'est un mouvement qui a une telle ampleur territoriale que la question de l'organisation du pouvoir politique est carrément posée. Et il y a tout un discours, bon alors Clémenceau dit depuis Paris, je connais le midi, tout ceci se finira par un banquet. Et au lieu de se finir par un banquet, ça se termine dans le sang. Féroul est arrêté, on envoie la troupe, le 100e régiment de ligne fraternise et passe de l'autre côté. On renvoie de la troupe, Féroul est arrêté le jour de son arrestation, l'armée tire dans la foule dans les rues de Narbonne, il y a un certain nombre de morts, je ne sais pas le chiffre exact, mais enfin il y a des morts. Quoi. Une constante de tous ces mouvements-là, que ce soit les séditions ouvrières ou les séditions paysannes, c'est systématiquement, bon, je pense que c'est vrai pour toute la France, mais c'est systématiquement l'occupation militaire. Hein. Il y a à Mazamé, par exemple, à la suite de la révolte vers 1909, à la suite de 1909, on leur impose une garnison militaire permanente, quoi, pour les avoir sous contrôle, quoi. Hein. C'est, dire ce que tu disais l'autre jour sur l'antimilitarisme du mouvement ouvrier. Donc l'armée est intervenue, il y a d'autres bataillons, notamment le fameux bataillon 17e qui refuse de tirer sur la foule. Ce qui est très intéressant de voir, c'est que tous ces bataillons sont composés de gens de la région, puisqu'à l'époque on fait son service militaire dans la région. Le développement des transports ne permet pas encore d'eux. Et donc c'est presque tous des fils de vignerons. Donc. Et les gens, il est hors de question pour eux d'aller tirer sur les leurs, quoi. Et donc le bataillon 17e passera carrément avec armée bagage du côté de la révolte, quoi. Et c'est depuis ces événements-là que, systématiquement, on a envoyé les gens faire le service militaire ailleurs que dans la région d'origine, pour distendre justement ces liens de proximité, cette proximité géographique, sociale et culturelle qu'il y a entre des gens. C'est pour ça que tous les gens du Midi, par exemple, allaient faire leur service militaire dans l'Est de la France, et réciproquement les gens de l'Est dans le Midi, et ainsi de suite. Pratique qui est d'ailleurs aussi appliquée à l'administration en général, au personnel administratif de l'État en général. Donc, pour calmer les esprits, les leaders sont libérés, etc. Mais Féroul envisage carrément, lui, puisque les maires ont démissionné, et qu'ils considèrent que ça a été beaucoup plus loin qu'un simple problème de la viticulture, que le comité viticole d'Argelier, animé par Marcelin Albert, ne suffit pas à diriger le mouvement, il envisage carrément la constitution d'une espèce de gouvernement méridional. C'est clairement dit. Hein. Je dois avoir là quelques-unes de ces déclarations de l'époque. En tout cas, dans les dans les déclarations qu'il fait à la presse, que ce soit la presse locale ou la presse nationale, il revendique ouvertement. Hein. Il parle d'insurrection légale du Midi. Il se réfère évidemment à la commune. Il dit nous irons jusqu'au bout, si c'est la révolution, tant pis. Peut-être viendra-t-il un jour où le Midi, prenant lui-même la direction de ses affaires, trouvera dans une direction nouvelle le bonheur qu'on lui avait refusé. Il songe même à faire une, pour résoudre la question viticole, à organiser une espèce de fédération viticole avec les viticulteurs catalans. Encore une idée, on va dire, syndicale internationaliste, parce qu'il a beaucoup de contacts à Barcelone. Et il envisage, c'est un projet qui tournera court, mais c'est intéressant qu'il laisse plus simplement le concevoir et que ça a été débattu dans le mouvement, l'idée de mettre en place un réseau entre les viticulteurs languedociens et les viticulteurs catalans. Bon, finalement, le mouvement s'essouffle, par suite de l'occupation militaire, par suite aussi du fait que Marcelin Albert, qui pourtant a tendance plutôt modérée, se fait rouler dans la farine par le rusé Clémenceau, tout le monde connaît cet épisode. Hein. Mais en tout cas, bon, il en demeure pas moins que pour qu'un mouvement d'une telle profondeur, qui va durer quand même plusieurs mois, hein, avec la démission de 500 conseils municipaux, une grève de l'impôt qui durera assez longtemps, des affrontements. Et bon, le point d'orgue, c'est clair que ça va être la guerre de 14-18. Hein. La guerre de 14-18 qui va pas être simplement une grande boucherie, mais c'est un grand lavage de cerveau, qui, pour reprendre l'expression d'un sociologue et historien américain, Eugène Weber, qui va franciser les Français. Eugène Weber, c'est un chercheur qui a fait un énorme livre après des années de recherche en France, qui s'appelle « La fin des terroirs » de 1870 à 1914, où il montre que le concept d'État-nation n'est pas du tout évident dans la grande majorité rurale de la France, pour qui le sentiment d'appartenance est lié à son univers immédiat, c'est-à-dire la région, le pays, on va dire, et la capacité de compréhension dialectale. Le concept de nation est déjà très présent dans la petite bourgeoisie des villes. Il est présent hein, au moment de la commune, hein, les communards, que ce soit à Paris, à Marseille ou à Narbonne, ont le drapeau rouge, ils ont aussi le drapeau blanc-rouge, et même le drapeau noir, ce sera le cas à Marseille d'ailleurs, puisqu'ils le planteront sur la façade de la préfecture. Oui, les modérés se plaignaient du drapeau rouge sur la façade, du coup les interventionnistes ont dit, bah, puisque ça ne vous plaît pas, on va l'enlever, ils ont mis un drapeau noir à la place. Ça leur apprendra à bien punir. Et disons, en ayant exploré toute cette histoire, on voit que vers aux alentours de 1870-1880, le concept de nation, il y a un débat autour de ce concept. Il ne faut pas oublier que ce concept de nation est un concept principalement politique, bien que dans la réalité, il cache aussi un impérialisme culturel très fort. Et c'est un concept politique issu de la Révolution française. Donc au moment où il s'agit de rétablir la République, de mettre fin à soit à la monarchie de juillet 1848, soit à l'Empire en 1870, il y a un débat, qu'est-ce que ça va être cette République? Les politiciens jacobins comme Gambetta veulent purement et simplement une République qui sera finalement la troisième, hein, la bonne vieille République radicale, laïque, jacobine et colonialiste. Mais les gens, les internationalistes, tous ces gens-là, pensent que la nation peut être une association de régions autonomes réalisée d'en bas, et non pas une unité imposée d'en haut depuis Paris. Et ça, je tiens à préciser que c'est pas simplement une revendication dans les pays occitans, c'est aussi une revendication à l'intérieur même du mouvement communaliste parisien. Hein. Bon, et ce débat, on le voit encore dans le congrès ouvrier de Marseille en 1879, tout ça c'est encore en débat. Hein, et ça reste encore sous-jacent, on le voit, une grande partie des socialistes marseillais reste fédéraliste jusqu'en 1914. Hein. Le cas de Pierre Bertas, par exemple, est emblématique. Hein. Pierre Bertas, qui sera un type qui sera toujours en tête pour soutenir les luttes ouvrières sur Marseille, les grèves des dockers, etc. Et qui en même temps pose la question permanente. Bon, il est marginalisé petit à petit, il y a un nouveau personnel qui arrive dans les différents courants socialistes, des gens qui n'ont pas connu l'expérience de la communaliste, et puis de gens aussi qui sont cooptés par leur participation à la vie parlementaire bourgeoise, et qui petit à petit donc passe de l'autre côté. Le cas de Jaurès est très intéressant d'ailleurs, hein, à cet égard, hein, je dis ça parce que ces derniers jours ils ont sorti un film sur lui. Jaurès, qui est député du Tarn, qui est un petit bourgeois, hein, par son origine sociale, la Vatrinade, par exemple, lui fait horreur à l'époque, qui est un type qui, au départ, culture française, bien qu'il parle occitan, hein, il s'adresse en occitan à ses électeurs, il est bien obligé d'ailleurs. Hein. Il n'a pas tellement le choix, bien qu'il commence déjà à l'époque, il commence à apprendre le français, mais pour créer une connivence, il leur parle en occitan. Bon, au départ, le personnage de Jaurès est intéressant par ses ambiguïtés. Voilà. Il est intéressant parce qu'il montre que jusqu'en 1914, c'est pas définitivement réglé. Quoi. Il y a des hésitations, les gens, on se pose des questions. Jaurès, par exemple, au départ, soutient l'aventure coloniale, comme beaucoup de socialistes français. Petit à petit, il va arriver à être extrêmement critique et à désavouer complètement le colonialisme. Sur la question de l'armée, il se pose des questions qui sont très intéressantes. Lui, par exemple, il pense, là je parle de la fin de sa vie, hein, il pense qu'on devrait remplacer l'armée pour faire court. Hein. Ça mériterait un débat à part entière, ça. On devrait remplacer l'armée de la défense nationale par des milices locales, sur le modèle peut-être suisse, etc. Il est toujours un peu dans ce truc de la commune, quoi, puisque la commune c'est ça, hein, la garde nationale, les gardes civiques à Marseille, c'est des milices locales, quoi, qui imposent la commune. Il se pose toutes ces questions, c'est intéressant de voir que c'est quand même le seul socialiste qui reste sur une position internationaliste et pacifiste, et il le paye de sa vie d'ailleurs. Ce dit en passant, je suppose que tout le monde connaît la petite anecdote concernant son assassin qui fut acquitté au lendemain de la guerre au nom de l'Union sacrée. Quoi. Il avait foutu le camp aux îles Baléares. En 1936, les anarchistes des Baléares, quand a éclaté la révolution, la première chose qu'ils ont fait, c'est d'attraper Raoul Villain, de le coller contre un mur et de lui vider un chargeur dans la tête. Ça, c'est de l'internationalisme. Mais donc, le personnage de Jaurès, qui est... Bon, Jaurès, en même temps, c'est quand même déjà un ponte de la politique. Il est dans la vie parlementaire, il est député, il est élu, c'est un monsieur, il est passé déjà de l'autre côté. Hein. Mais c'est intéressant de voir toutes les questions qu'il peut se poser. C'est aussi quelqu'un, à un moment donné, qui en arrive à défendre la dignité de l'Occitan, quoi. Parce qu'il la découvre au contact des mineurs de Carmo, de tous ces gens-là, qui ne parlent pour ainsi dire que ça. Hein. Bon, tout ça constitue un ensemble dans la trajectoire de Jaurès qui est intéressant de questionner, pour employer un terme universitaire. Bon, alors évidemment, 1914-1918, ça fait de tout le monde des Français, quoi. Enfin, ça réussit à injecter dans ce qui n'est qu'un concept politique une dimension émotionnelle. Quand les gens ont payé le prix du sang, mon pauvre grand-père que je n'ai pas connu, il s'est tapé 8 ans d'armée à cette occasion. Hein, il était, quand il est parti faire son service militaire en 1911, il parlait quasiment que l'Occitan. Hein, quand il est revenu au bout de 8 ans, autant dire qu'il parlait français. Hein. Et il s'est fait 3 ans de service militaire, il allait être libéré, la guerre a éclaté, Zoumaï 4 ans, il s'est fait Verdun, tout ça, blessé, etc. Et encore un an d'occupation en Rhénanie. 8 ans de toute sa jeunesse a été volée par l'armée de la défense nationale. Donc c'est évident que les gens reviennent après, ils sont complètement acquis à l'idéologie nationale. Enfin. Et à la limite, c'est même une question de... On est même en présence de facteurs psychologiques, et c'est ça la force d'ailleurs de la coercition militaire, ça a été de réussir à faire rentrer dans la tête des gens une dimension émotionnelle d'appartenance nationale qui n'existait pas avant. Ça veut dire aussi qu'au niveau politique, bon, il y a aussi l'action de l'école, hein. Ça veut dire aussi qu'au niveau politique, on ne se pose plus les questions entre les deux guerres, ces questions-là ne se posent plus. A fortiori, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où en plus il y a l'emprise des Staliniens qui sont très nationalistes, très bleu, blanc, rouge, déjà avant, mais alors là, ça dépasse tout, hein, là. La Marseillaise tend à remplacer l'international dans les manifestations organisées par le PC, etc. Bien que ça n'a pas dû être toujours évident. Hein. J'ai eu des témoignages d'ouvriers immigrés italiens qui disaient que les Italiens, les immigrés italiens de Marseille refusaient de chanter la Marseillaise et préféraient l'international. Et, mais donc tout ça, c'est tout ce personnel politique, les socialistes sont de, ça y est, ils sont en place, ils sont dans la gestion harmonieuse du capitalisme, il se pose plus ce genre de questions, quoi. Et donc plus personne ne se les pose. Disons, ça revient, il y a un épilogue quand même à tout ça, c'est quand même les années 70, le moment où la communauté économique européenne se constitue, et où donc un certain nombre de régions dans le Midi, dans les pays occitans, sont sacrifiées à cette politique-là. Un grand événement, ça a été en 1962 à Decazeville, à nouveau Decazeville, la fameuse grève des mineurs qui a duré plusieurs mois, puisque pour, dans le cadre de la rationalisation de la production de charbon au niveau européen, on a programmé la disparition pure et simple de Decazeville en tant que ville minière, ce qui s'est fait d'ailleurs finalement. Donc là, une grande grève, il y a, pareil, qui, avec le soutien de toute la région, il y a même des élus locaux qui envisagent de fédérer un certain nombre de départements pour envisager de mettre en place des structures alternatives pour poser des questions du développement économique. C'est là qu'il y a la fameuse expression qui a eu un grand succès dans les années 70 de colonisation intérieure qui est employée pour la première fois par Serge Mallet, qui est un des leaders du PSU, à propos de la grève des mineurs de Cazeville. Il dit voilà, la plupart des ressources, alors il cite le charbon de Cazeville, il cite aussi le gaz de lac par exemple, il cite tout un tas de choses. On pourrait même aussi dans une toute autre idée, l'exploitation du soleil sur la bordure méditerranéenne, qui est aussi une matière première. Et tout ça s'est fait dans une logique de colonisation intérieure, c'est-à-dire on extrait des matières premières dont on a besoin pour des ailleurs, et avec des capitaux qui sont accumulés sur place, mais rapatriés, réinvestis ailleurs. Et ce qui fait une zone complètement sous-développée industriellement par rapport au reste du territoire français, quoi. Par exemple, c'est intéressant de noter que toutes ces régions auront très peu connu l'expansion de l'industrie fordiste qui caractérise la France des années 60 avec l'automobile, l'électroménager, la chimie, etc. C'était l'industrie fordiste qui s'est beaucoup installée comme dans l'ouest de la France, hein, en Normandie, en Bretagne, dans les pays de Loire, mais qui brille par son absence dans les pays occitans. Si l'on accepte le cas très particulier de l'aéronautique à Toulouse. Là on a un mouvement qui a duré quand même pas mal de temps, qui va être le début d'une réflexion chez pas mal de gens sur cette situation dite de colonisation intérieure. En 68, tout ça revient sur le tapis évidemment, et d'autant plus que se pose à nouveau une crise viticole, et au début de l'année 1871, éclate une véritable jacquerie viticole dans la région de Béziers, qui verra pendant plusieurs semaines des affrontements, mais des affrontements d'une violence inouïe. Il y a même un officier des CRS qui est tué à coups de fusil. Les gens attaquent les CRS à coups de boules de pétanque chargées d'explosifs. Enfin, c'est extrêmement violent. Les banques sont systématiquement incendiées, les bureaux du Trésor public, Enfin, il y a un niveau d'affrontement qui implique quand même à chaque fois des milliers et des milliers de gens dans les villes, dans les campagnes, en rase campagne. Je dois avoir quelques... Oui, ça concerne des villes comme Carcassonne, Montpellier, Nîmes, Béziers. À chaque fois, c'est la région est déclarée officiellement par les préfets en état d'insurrection. En état d'insurrection. À chaque fois, c'est des dizaines de milliers de CRS, de gendarmes mobiles qui investissent la région, qui la mettent sous occupation militaire, et il y a véritablement une solidarité de toute la population contre les forces de l'ordre, etc. Bon, l'origine du mouvement, c'est évidemment toute la politique agricole dans le cadre de la rationalisation européenne qui vise à faire disparaître un certain nombre de producteurs. Or, il n'y a rien d'autre. C'est tout un monde, hein, c'est tout un univers de sociabilité locale qui s'est constitué autour de la vigne. Hein. Et donc, si on fait disparaître ça dans une région qui n'est quasiment pas industrialisée, c'est un pays qui meurt. Hein. Et c'est d'ailleurs le slogan, il y a un slogan qui revient en Occitan dans les manifestations, c'est « Boulevio al país », qui revient tout au long des incendies, ce qui est lancé au départ par un des dirigeants des comités d'action viticole, c'est même pas lancé par des militants occitanistes. Quoi. Ouais, il y a ça aussi. Mais ça on le dit pas à voix haute. Et donc, il s'ensuit quand même pas mal d'années d'agitation dans le pays viticole, et qui repart à nouveau en 76, en février 76, avec des journées, à chaque fois c'est des journées villes mortes, tout le monde participe, les commerces baissent les rideaux, les employés de la fonction publique ne vont pas travailler, enfin tout le pays est concerné, quoi. C'est principalement, on va dire, la région qui va de Nîmes jusqu'à Perpignan. Quoi. Avec quand même une participation aussi du département du Var, qui est un département encore très viticole à l'époque. Hein. Et qui est encore à l'époque un département, on va dire, rouge, qui est fort encore de la tradition du 19e siècle. Hein. On a peine à le croire maintenant, mais Toulon est une ville extrêmement rouge, tout à fait. Hein. Même la campagne, bon d'abord parce qu'il y avait les mines de bauxite, il y avait les ouvriers du Liège dans les morts, dont les ancêtres avaient pris le fusil en 1851 hein, et étaient partis à Cayenne. Hein. Le Var c'était ça, hein, c'était pas le bronze de cul des classes aisées de l'Europe du Nord que c'est devenu. Hein. Il n'y a pas de fatalité si c'est devenu ce que c'est devenu avec les votes qu'on y voit. C'est aussi parce qu'il y a une politique de colonisation intérieure qui a en l'occurrence le fait de l'exploitation incontrôlée d'un gisement inépuisable, le soleil. Quoi, hein. Et on a eu des transferts de population. Quoi. Si on considère que dans le même temps, tous ces pays voient comme des mouvements continus d'émigration, hein, sur Marseille bien sûr, hein, mais de plus en plus sur Paris, parce que c'est là qu'il y a du boulot, et à Marseille, il n'y a plus grand-chose à la même époque. Donc, 76, donc, c'est vraiment le moment où ça va atteindre le point culminant, quoi. Puisqu'il y a... Ça dure quand même pendant tout le mois de février, tout le mois de mars. Par exemple, c'est des rigolos. C'est vraiment des petits rigolos. Là, on a des gens qui viennent par centaines, et puis des gens qui sont habitués à... qui se connaissent, qui sont du même village, qui viennent lourdement équipés avec de la dynamite, qui font sauter les installations ferroviaires, qui font sauter les banques, qui font sauter les bâtiments du trésor, etc., voire même les casernes de gendarmerie. Je veux dire, les gens, ils viennent, dès qu'il y a des manifestations, on sait qu'après la manifestation, les gens vont aller à l'affrontement, ils se donnent rendez-vous avec les forces de l'ordre en pleine campagne, hein, sur des sites. C'est ce qui se passe le 4 mars, là, au site de Montredon, là où ils bloquent la voie ferrée et l'autoroute. Les CRS interviennent et là, les gens sont armés, il y a une fusillade qui dure une demi-heure, qui fait deux morts. Un officier des CRS, encore une fois, décidément, et les viticulteurs ont une intelligence tactique confirmée, puisqu'à chaque fois qu'ils prennent les fusils, ils visent directement les galonnés. D'entrée, ça, il faut reconnaître que... Et il y a un viticulteur, Émile Pouit, qui est tué aussi. Bon, il y a qu'un type qui sera incarcéré, un dénommé Léon Tesser, qui sera incarcéré sous l'accusation d'avoir tué l'officier des CRS, le commandant Le Goff, chef de la compagnie des républicains de sécurité numéro 26. Mais bon, il y a un mouvement extraordinaire. Déjà en 71, quand un officier des CRS a été tué, une personne est arrêtée sous l'accusation plus ou moins... Parce que les gendarmes ont fait ça en toute affaire, en tout cas, des milliers de gens ont assiégé la gendarmerie en 71 dans la région, dans un village de côté de Béziers, et obtiennent la libération de la personne. La personne est quand même accusée d'avoir tué un officier des CRS. C'est quand même. Là, on n'est plus au niveau de la guéguerre à coups de cailloux. Quoi. Et là, c'est le même scénario en 76. Hein. C'est-à-dire, il y a des méga manifestations, il y a des dizaines de milliers de gens qui revendiquent ouvertement le soutien à quelqu'un qui a tué. Qui est supposé avoir tué un officier des CRS. D'ailleurs, Tesser sera libéré. Hein. Moi, je me rappelle, en 76, on voyait partout, il n'y avait pas un mur où on ne voyait pas libérer Léon Tesser, qui allait souvent de pair avec le fameux Volinzio Ralpaïs. Hein. Et on a des manifestations géantes, on n'atteint pas les 600 000 personnes de 1907, mais on n'est pas loin, hein, à Montpellier, des manifestations géantes. Et c'est pareil, c'est un peu comme en 1907, c'est des mouvements qui sont... Tous ces mouvements dont je parle, là, c'est des mouvements qui sont pensés et vécus en Occident. En 1907, il y a toutes les banderoles, toutes les pancartes, c'est de l'Occident. Hein. Il y a le fameux slogan, là, c'est une photo qui est assez connue, là, une pancarte où c'est marqué en dialecte probablement de la région de l'Aude, « Aber étant des bombies et pas pourrer manger des pains. Avoir tant de bon vin et pas pouvoir manger de pain. » En 1962 encore, hein, à De Cazeville, dont le vrai nom, le nom occitan, c'est pas De Cazeville, hein, c'est La Salle. Les mineurs, il y a la fameuse pancarte là, où Vibo la solidaritat, comme ils disent par là-bas, si d'ailleurs ça rien pas tordre, c'est. Ce qui veut dire en gros, vive la solidarité, on se laissera pas tordre. Et en 76, c'est 71-76, c'est encore pareil. Hein. En 76, la fameuse manifestation de Montpellier là, qui suit les affrontements de Montredon, il n'y a que des drapeaux occitans hein, dans la manifestation. Il n'y a pas un drapeau bleu-blanc-rouge. Il y a même un dirigeant du PC qui se plaint d'ailleurs. Et les camarades auraient pu amener un drapeau bleu-blanc-rouge. Mais ben non, les camarades n'ont pas porté. Donc. Et tout ça aussi à la même époque où on a quand même des mouvements de contestation très forts contre l'État central, qui est le plateau du Larzac, et de façon moindre sur le plan de Cangers dans le Var, puisqu'il y a également là aussi... D'ailleurs certains disent que finalement c'est fait avoir, puisqu'on n'a pas eu l'extension du Larzac, mais on a eu l'extension de Cangers. Pendant qu'on regardait sur le Larzac, ils nous enroulaient dans la farine à Cangers. C'est pas complètement faux. Mais bon, le Larzac, c'est pareil, ça devient un point de rassemblement. C'est un peu le Larzac par rapport au pays occitan, comme le Plogoff par rapport aux Bretons en 80, quand il s'agit de lutter contre l'implantation d'une centrale nucléaire. Quoi. D'ailleurs, Mitterrand arrive au pouvoir en 81, la première chose qu'il fait, c'est de se débarrasser de ces deux dossiers explosifs, Plogoff en Bretagne et le Larzac dans les pays occitans. Hein? En plus, il fait un peu chahuté. Alors, on a quand même dans les années 70 toute cette contestation qu'on retrouvera aussi voilà, au moment de la fermeture des bassins miniers hein, à Alès, qu'on retrouvera même au moment du chantier de Fos, hein, Fos qui est le produit d'une pure décision technocratique qui. Aménage autoritairement une région entière pour le grand capital. Il y a une contestation qui se fait toujours selon ce principe de contestation du centralisme français. Quoi. C'est la fameuse époque où le théâtre de la carrière va faire une pastorale, la fameuse pastorale de Fos, qui est un truc absolument génial, quoi. Qui met en scène justement la Tarasque, qui est un monstre de la tradition provençale, la Tarasque qui est revenue terroriser les habitants sous les traits du complexe de Foss. Donc c'est une pièce bilingue, puisque bon, les technocrates parlent en français, les indigènes en occitan, et qu'ils ont joué pendant quelques années, au début des années 70, dans la région de Foss, qui a eu un succès phénoménal. Bon. Il y a toute cette contestation qui est là, disons, qui consiste à dire, voilà, l'État français a en gros décidé une fois de plus de maintenir tous ces pays, toutes ces régions méridionales dans un état de colonisation intérieure. Donc on liquide toutes les quelques activités industrielles. La dernière date, ça sera la liquidation de la réparation et la construction navale à Marseille et La Ciotat. Hein. Dans le cas de La Ciotat, je l'ai vu de très près. Hein. Pour faire de ces régions le bronze cul de l'Europe du Nord. Quoi. Parce que, au niveau de Bruxelles, il y a des plans hein, qui sont programmés depuis les années 60. Le plan d'Avignon programme dans les années 60 que la Provence et le Languedoc sont destinés à ne plus être des régions ni agricoles, ni industrielle, mais des régions touristiques. Et, par exemple, au moment de... Moi, j'ai vécu de près, puisque j'ai habité La Ciotat, j'ai vécu de près la liquidation des chantiers navals de La Ciotat. Hein. L'argument qu'on opposait aux ouvriers des chantiers navals qui voulaient continuer à vivre et travailler au pays, en l'occurrence à La Ciotat, hein, c'est de dire, oui, mais là, vous remettez, on ne peut pas revenir en arrière, parce que de toute façon, là, vous remettez en cause tout le schéma d'aménagement européen, qui prévoit, à La Ciotat, à la place des chantiers, des marinas, la vocation de la Provence et du Languedoc maritime, ça sera le tourisme et la plaisance, la vocation. On avait vécu pendant des siècles, voire des millénaires, en ignorant notre vocation profonde, mais grâce... Et là-dessus, il y a complicité de tous les gouvernements. Hein. Et ce qui est terrible en plus, c'est que l'avènement, l'arrivée de la gauche au pouvoir en 81, court-circuite la contestation. Toute cette contestation qu'on voit ressurgir dans les années 70. Le candidat Mitterrand a fait un certain nombre de promesses. Comme dirait très justement un certain Charles Pasqua, les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Mais il avait promis effectivement notamment une véritable décentralisation qui dans les faits n'a été qu'une lamentable caricature. Hein. Si l'on compare par exemple avec le statut d'autonomie régionale que l'Espagne post-franquiste a accordé à la Galice, au Pays Basque et à la Catalogne, on est vraiment sur un simple réajustement administratif qu'on a pompeusement baptisé une réforme et qui revient en plus, au pire, à accorder encore plus de pouvoir à toute cette classe politique parasitaire, puisque bon, le département n'a pas été supprimé, incarnation même du centralisme jacobin, le département n'est pas supprimé, le préfet encore moins, c'est même le département qui hérite plus de compétences. La reconnaissance des langues minoritaires n'est évidemment n'est toujours pas faite, ainsi de suite. Le schéma d'aménagement programmé dans les années 60 n'est pas remis en cause. Et ce schéma d'aménagement ne concerne pas que les zones littorales. Hein. On a des régions entières, comme par exemple le Périgord ou le Quercy, qui sont programmées comme zones de toute façon de tourisme. Hein, où les villages entiers sont vendus, sont désertifiés, les gens s'en vont. Et c'est vendu, bah, notamment dans ces coins-là, des Anglais. Hein, les Hollandais beaucoup, par exemple en Ardèche, dans la Drôme, beaucoup. Je veux dire, et tout ça. Et alors ce qui est terrible, c'est que le mouvement occitaniste qui a pris forme autour du slogan « Voulez vivre à le pays », a misé beaucoup d'espoir sur l'arrivée de la gauche au pouvoir en 81, en pensant qu'au moins que certaines choses bougeraient. Et ça l'a littéralement court-circuité, quoi. Ça l'a littéralement court-circuité. Donc, bon, voilà, nous en sommes actuellement. Quoi. Mais ce qui est, disons, ce qui est important de noter quand même, c'est la persistance dans toutes ces régions-là d'un courant, au moins jusqu'à 1914, d'un courant à la fois internationaliste et fédéraliste, quoi, qui s'exprime de façon des fois plus ou moins claire, mais l'absence de revendications nationalistes. Hein. Parce que même des gens comme Charles Maurras, par exemple Charles Maurras qui est un écrivain français, lui quand il est nationaliste, en tant que nationaliste français, c'est l'Action française. Hein. Lui, il veut revenir à la France d'Ancien Régime, aux provinces de jadis. Hein. Mais il n'y a pas de... À aucun moment, il y a de mouvement sur... Il y a bien quelques courants. Il y a un parti nationaliste occitan qui apparaît dans les années 50, au moment de la guerre d'Algérie, qui dit, voilà, les Algériens se battent contre le colonialisme français, le mouvement occitan ne peut pas se contenter d'être un mouvement culturel, on doit prendre position avec consigne d'aider le FLN, ce qu'ils ont fait d'ailleurs, hein, pas mal de militants du PNO ont fait de la prison pour ça. Le problème c'est qu'on n'est pas du tout dans la même configuration dans les pays occitans qu'en Algérie. Et c'est un schéma complètement arbitraire avec le schéma une langue, un état-nation. Ça prend pas, ça ne prend pas parce que de toute façon chez les occitans il n'y a pas cette vision des choses, il n'y a pas cette approche des choses. Le courant occitaniste des années 60-70 qui prend forme à partir des grèves de Decazeville en 62 et qui est boosté par le mouvement viticulteur. Le mouvement viticulteur est massivement occitaniste. D'abord parce qu'il est occitan, mais il revendique, puis il y a le souvenir de 1907, de Féroul, de tout ça. Donc si on se projette encore au-delà, la commune de 1871 de Narbonne, etc., on est dans cette filiation-là, quoi. Mais il n'y a pas, à aucun moment, il y a un mouvement nationaliste. Quoi. Donc moi je pense que toutes les questions qui ont été posées par tous ces mouvements-là restent en suspens. Puisque de toute façon, l'édifice, la République, la nation qui était en débat, qui faisait l'objet d'un débat à un certain moment, dont le moment le plus fort ça a été la Commune, le débat a été clos par la répression de la Commune et puis par l'adhésion, on va dire, d'une partie de la classe. D'un tas de militants à la classe politique. Donc la nation qui s'est constituée, ce n'est pas celle qu'auraient voulu les communards, c'est la nation coercitive, militariste et colonialiste, celle que nous connaissons tous, qui existe toujours, qui n'a, même si le colonialisme extérieur a cessé d'exister, mais cet édifice-là, l'édifice de l'État français avec tout le mythe républicain qui justifie la pérennité de cet édifice, tout ça n'a pas bougé. Et la gauche française est une gauche extrêmement jacobine et attachée à ce modèle-là. Donc, moi je considère que toutes ces questions qui ont été agitées à l'époque restent en suspens et devront ressortir un jour ou l'autre sous une autre forme, très probablement. En tout cas, c'est certain qu'elles ne prendront pas la forme que ça peut prendre en Corse, par exemple. En tout cas, on l'espère. Non, mais il y a de l'espoir. Là, le 1er mai, on a rencontré sur la plaine un jeune d'un collectif corse, d'un collectif culturel corse d'Ajaccio, qui voulait justement rencontrer tout ça, mais qui ne soit pas des nationalistes, qui soit, on va dire, de culture libertaire. Et c'est un gars qui a l'air d'avoir un discours assez sain, assez cohérent, qui rejette absolument le nationalisme corse. Hein. Non, mais à mon avis, il faudra... D'ailleurs, chaque année, en Corse, c'est souvent, je pense, une rencontre de ce paysage, c'est une autre mauvaise culture. À la fois, ils dénoncent dans les champs, en Corse, etc., il faut aussi le... Et si vous le racontez à nouveau, votre ami Corse, vous pouvez lui dire en pendant et lui demander une simple question. Pourquoi il y a si peu de personnes qui sont mortes en Corse avec le mal dans le front et tant qu'ils sont morts avec le mal dans le dos? Je lui demanderai. Je pense que... C'est pas la fierté Corse, mais c'est une fierté et c'est un pays où elle n'a pas au roi. Je pense que lui, il n'a jamais tué personne. Non, comme je l'ai vu. C'est une question de portée générale, sans plus. Et lorsque vous parlez par exemple de Maurras, de Mistral, de Jaurès ou d'autres, ce qui était très intéressant dans ces auteurs, c'est qu'ils avaient quand même une pensée. Et il y a beaucoup de gens qui ne les ont pas lus, qui sont prisonniers de certaines citations, et qui n'ont absolument... Quand Maurras parle, par exemple, de certains problèmes sur la France, on peut le lire avec intérêt. C'est-à-dire qu'à la guerre, on pouvait écouter à la fois Jaurès et Longoré, tandis que maintenant, il est très difficile d'écouter Jospin et Sarkozy. Non, ça c'est sûr. Tout à fait. C'est le bon jour. Bon, si je comprends bien, le moment des questions est arrivé. Alors, qui veut lever la main? Non, ça va, j'ai fait le tour de la question, alors j'ai parlé combien? J'ai parlé une heure et quart. Exactement. Moi, c'est pas une question à l'espèce. Tout à l'heure, Alain, si tu parles de l'aspect psychologique du forage de crâne et de lavage de cerveau de la Première Guerre mondiale, au niveau en France et par rapport à l'Italie. Justement, j'avais noté juste mon petit papier en dessous, j'ai juste marqué ça et dessous, j'avais marqué la porte. Et en fait, je m'interrogeais sur aussi, est-ce que le forage de crâne n'est pas allé jusqu'au milieu libertaire. Je voulais juste conclure sur la question du Corse. Finalement, je trouve que la fin du débat, elle m'amène directement à cette question-là. Attention. Attention sur la Corse. J'ai quand même l'impression que le siècle dernier, parlait des Occitans. Et je pense quand même que justement, on a parlé de 1907, des révoltes de Nicole. Je crois quand même que dans le mouvement, ce qu'on appellerait ici le mouvement nationaliste corse récent, je crois qu'il y a quand même aussi des questions autour de Nicole dans les années 67. Attention, on peut rigoler, mais je pense qu'on rigolait aussi de nous. En tout cas, moi, je pense que je suis de la France historiquement. Je crois qu'on rigolait de moi aussi comme un habitant, mais quelqu'un qui n'a pas besoin de réflexion. Je crois, attention, sur ce genre de truc, on n'est quand même pas un milieu exemple de tout reproche ou de l'ensemble de choses. Je pense que caricaturer les Corses à quelques comportements, je crois que ça a bien fonctionné pendant très longtemps sur les Occitans. Voilà, moi je ne sais pas, je ne suis jamais allé en Corse. Voilà, mais de le mettre au regard de quelqu'un qui tire dans le dos, je pense que c'est un peu du même niveau que de quelqu'un qui aurait du persil dans les oreilles et de la salade dans ses sabots. Je pense qu'à un moment donné, c'est ce qu'on a fait sur les grands parents, je pense que je ne veux pas qu'on les fasse. Moi, je vais vous dire, j'ai fait de très nombreux séjours en Corse, je n'ai pas de persil dans les oreilles, et lorsque je vous parle de la Corse, c'est parce que c'est un problème que je connais quand même un peu. Vous parlez du problème viticole en Corse, parce que les Pénors sont arrivés en Corse, qui ont mis toute la plaine orientale la vigne, a fait de gros problèmes en Corse, et que ces problèmes n'avaient pas été faits avant guerre. C'est-à-dire qu'avant guerre, dans les pays, dans l'Aude, on parlait de vigne, mais en Corse, on ne parlait pas de vigne. C'est exactement ce que j'avais dit. Vous pensez que les Pieds-Noirs aussi ont eu d'énormes aides, hein? Non, voilà, c'est ce que je disais. Que les Corses n'ont jamais eu. C'est ça qui est arrivé là, c'est-à-dire moi, en Corse, en ce que je dis, c'est une petite précision, ce n'est pas de regard politique. Vous rigolez quand même, l'argent qu'ils ont donné en Corse pour les Pieds-Noirs. Et de plus, vous parliez de balles dans le dos. Moi, je suis corse. Je suis de la Balagne, je suis du pays des gangsters, pas du tout, parce que quand moi j'ai connu les nationalistes, et j'ai encore des copains nationalistes, à cette époque vous aviez les jeunes, maintenant ils ne valent plus rien, c'est des pourris incultes, mais à l'époque ils avaient un honneur, et par contre ça n'a pas été retransmis. Et on leur a monté la tête, c'est tout. Et c'était les gangsters italiens maintenant qui prennent le relais. Voilà, c'est tout. Mais on a toujours notre honneur, et moi aussi. Excusez que le président va vous faire part de ses expériences en Corse, il n'est pas en Corse. Mais depuis 30 ans, il va en Corse. Passer deux mois. Eh bien, il y a quand même un phénomène qu'on est obligé de constater quand on est un simple touriste, qu'il y a mafia du littoral. Exactement. Il y a une mafia du littoral qui voudrait l'indépendance, ça ne lui ferait pas peur, parce qu'il y aurait des pavillons de compétence, l'île serait un vaste casino où les gens de toute l'Europe pourraient venir jouer, même d'autres États. Et moi, j'ai vu, accidentellement, on ne m'avait pas invité, prélever l'impôt révolutionnaire. C'est-à-dire que sous la menace du feu, sur la côte, le camp naturiste où je suis, je vois tous les bruits dans la main. Ce que je fais voir n'est pas extraordinaire. Personne ne s'est extasié. Personne ne s'est extasié. Bon. Alors, j'ai vu accidentellement prélevé dans le cours révolutionnaire que ceux qui sont victimes de ce prélèvement, ils ne font pas de gaieté de cœur. Mais l'intérieur de la Corse, là, ces pays montagneux où on situe toute, où, qui n'intéressent pas la mafia du littoral, c'est une Corse qui est vivable. Mais la Corse du littoral, c'est tout. Mais c'est pas les Corses, ça. Oh, je suis C'est pas les Corses, c'est la mafia. Non, je regrette, c'est la mafia. Ben oui, la mafia est à la Corse. Parce que si vous allez à l'intérieur de la Corse, il y a aussi des révolutionnaires et tout ce que vous voulez. Et ils se montrent pas. Mais vous avez des vieux sur les portes qui surveillent ce qui arrive. Et ça va vite. Ce qui est intéressant au point de vue touristique, c'est le littoral. Le littoral, bon, on peut y faire des camps. C'est les plus ça, c'est pas les camps. C'est pas ceux qui viennent montrer leur présence. Est-ce que je pourrais demander au président de recentrer le débat? Ça peut être l'objet d'un débat un jour, sur la Corse. Oui, ce serait. Non, je veux dire par là que le phénomène est beaucoup moins simple qu'il n'y paraît. Voilà, alors maintenant, recentrons le débat. Revenons sur le continent, hein. Revenons sur le continent, oui. Oui, quelqu'un avait des questions à poser par rapport à madame. Il y a quelque chose, je ne suis pas... Il n'y a pas de mal à ça, vous savez. Non, ce que je veux dire, je suis ni occitane, ni marseillaise, ni... Enfin, je suis du Nord, et en plus issue de familles mixtes, dans le sens breton, normand, chrétien, juif, je suis née en Belgique, etc. Et il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre, c'est que, moi ce qui me frappait ici, je commence à mieux comprendre, moi ce qui me frappait ici, ça fait quelques années que j'habite dans le sud, et donc aussi à Marseille, ce qui me frappait ici, c'était ce que je trouvais difficile à comprendre, c'était cette mentalité clanique, le clan. Et ça continue de quelque part de me hérisser par rapport à un combat qui est un combat de tous, que ce soit qu'on soit normand, occitan, belge, allemand, etc. On a tous, et moi je voudrais quand même que vous le rappeliez, on a tous le même ennemi. Et que le fait de se replier comme ça sur des communautarismes, finalement, qui sont des communautarismes régionaux, locaux, fait le jeu de ceux qu'on veut combattre. C'est simple. En face, ils se marrent, ils rigolent. C'est bien, ils ont réussi, ils ont divisé pour mieux régner. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense que je ne critique pas les revendications locales ou régionales en termes de culture, de respect de la différence, de respect de la dignité en tant que personne parlant l'occitan, etc. C'est pas ça. Ça, je le respecte tout à fait. Mais néanmoins, je trouve très très dangereux d'aller dans le sens dans lequel vous allez, parce qu'on est actuellement confronté à un ennemi hyper puissant qui a tous les moyens médiatiques, financiers, politiques, etc. Et si on va chacun se replier dans sa petite tente de normande, bretonne ou occitane, etc., on est foutu. Voilà. Donc moi, j'ai des craintes par rapport à ce que vous dites. Ben, juste, bon, d'abord, je voudrais répondre. Bon, je vois pas très bien ce que vous évoquez précisément. Vous parlez de communautarisme. Moi, je, dans un certain nombre d'exemples que j'ai cités de révoltes ouvrières, paysannes, etc., la force qui est capable de s'opposer à l'État français et au patron, c'est la force d'une communauté locale. Et les gens s'appuient sur la solidité de ces liens, effectivement, pour se battre contre ça. Mais ça, moi, par exemple, je citais tout à l'heure la grève des mineurs en Angleterre en 84-85, que j'ai bien connue, parce que je suis allé sur place. C'est également ça que défendaient les mineurs du Yorkshire, qui parlent également d'ailleurs leur dialecte, le Yardie. Ce qu'ils défendaient, c'était pas tellement le travail à la mine, qui concevait bien évidemment comme un esclavage, mais c'était la solidarité humaine, sociale et locale qui existait, sachant très bien qu'avec la fermeture de la mine, ils avaient tous se retrouvé industrial gypsies, selon leur expression, la nomade industrielle, éparpillés, atomisés et livrés sans défense, ce qui se passe effectivement maintenant quand on voit l'Angleterre d'aujourd'hui. Donc il ne s'agit pas d'un repli, il s'agit au contraire de s'appuyer sur la force qu'on a. En plus, je ne vois pas en quoi ces mouvements indiquent un repli. Dire, nulle part on a un discours dans ces mouvements, un discours nationaliste, comme on peut effectivement le voir dans certaines autres régions. Donc pour moi, le fonctionnement clanique, communautariste, oui, de toute façon, il y a des liens de sociabilité locale qui sont très forts, y compris même ici dans une grande ville comme Marseille, je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien, et je trouve ça très bien que ça résiste dans un pays aussi déshumanisé, déshumanisant que la France. Et je vois pas du tout en quoi ça générerait de l'exclusion. Moi, je parlais tout à l'heure de ces Marocains qui parlaient la langue de la mine, qui sont arrivés, qui ont travaillé dans la mine. J'ai pas du tout l'impression qu'ils ont été mis au banc de la mine. Ils ont pas appris le patois en prenant des cours du soir. Hein. Ils ont été dans l'univers de la mine, et justement cette proximité culturelle et sociale a fait qu'ils ont pu s'intégrer à quelque chose, à cette communauté des mineurs, à cette communauté locale, alors que par contre pour eux l'intégration à la France est quelque chose de beaucoup plus hypothétique, voire même problématique, quoique ils ne se reconnaissent pas forcément dans un édifice aussi répressif que celui de l'État-nation français, qui signifie pour eux beaucoup de choses aussi. Je ne vois pas très bien pourquoi chaque fois qu'on évoque la conception française jacobine, c'est-à-dire il y a des individus atomisés, et de l'autre côté, il y a l'État. Nous contestons cette version-là, et nous contestons de toute façon cet universalisme abstrait qui a dominé beaucoup de mouvements révolutionnaires, que ce soit les mouvements français. C'est vrai parce que dans les autres pays d'Europe, la donne est assez différente, c'est exact. Mais en France, en tout cas,